Tu es toute seule dans le noir, que t'es vilaine matin et soir. Si tu veux sauver la planète, que dans ton cœur rien ne t'arrête. Si tu penses être un vrai gentil, mais que tu n'as aucun ami. Dans Kidman Noir.